Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. L'atelier de création radiophonique de France Culture se penchait dès 1974 sur le sort des chômeurs, avec un regard qui semble rétrospectivement très décalé ou alors très en avance. Nous étions à la fin des Trente Glorieuses, la France comptait à cette époque moins de 500 000 chômeurs, autant d'inactifs qui vivaient très différemment leur rapport à l'inactivité. Pourquoi les chômeurs chôment-ils ? Autrement dit, sont-ils responsables de ce qui leur arrive ? Ou au contraire, ont-ils raison de réclamer une forme de solidarité nationale dans une situation de violence sociale ? Des questions qui demeurent évidemment très actuelles. Tant qu'il y aura le système qu'on a actuellement, il y aura toujours du chômage. Et voilà, on politise, on politise. ORTF, atelier de création radiophonique. Atelier de création radiophonique, temps mort. Par Jacques Pierramette, René Farabet, Andrew Orr, Alain Soto. Assisté de Anne-Marie Abou, Albert Morin, Viviane Vandenbroek. Avec Elena Manson, Pierre Santini, Soisic. Collaboration technique, Monique Burguière, Marcel Grenier. Chômage, travail. Employé de bureau, apprenti, cariste, magasinier, soudeur à l'arc, gouvernante, serveuse, journaliste, pigiste, reclassement, balayeur, éboueur, problèmes économiques, fraiseur, fainéant, chômeur, non-chômeur, passant, dérive, emploi, pointage, indemnité, bruit, employé, employeur, petites annonces. Chômage, travail. Temps mort. Le bon citoyen est heureux, travaille, dit merci, tout de même il y a 40 ans de bons et loyaux services, n'a jamais embêté son patron, puisqu'il n'est pas chômeur d'ailleurs. Si on est chômeur, c'est qu'on a embêté son patron. Si on a embêté son patron, on a tort. Si on a tort, on doit être puni, on est puni, on est chômeur, le cercle est bouclé. Enfin, c'est... Je sais pas comment ça. Le langage sur ce plan-là de la société contemporaine est assez étonnant quand même. Le chômage, c'est une punition, c'est une incidence, c'est un incident très grave. C'est la barre du timonier, c'est le coup de tour du garrot. Voilà. Un monsieur n'est pas correct, un monsieur ne raconte pas aux espérances de patron, un monsieur rue dans les brancards ou n'a pas le comportement qu'on pourrait lui supposer, auquel cas on lui coupe l'oxygène. Derrière cette notion très abstraite de droit au travail que l'on assimile au droit de vote, au droit à ceci, au droit à cela, c'est finalement le principal robinet du ressort humain. On coupe l'oxygène. C'est d'ailleurs une façon très scandaleuse, même plus que scandaleuse, abominable, de nier l'individu. Vous nous posez un problème, on ne vous répond pas, on coupe l'oxygène. On coupe votre rôle social, votre importance sociale, et par là même, votre pouvoir d'achat. Donc on coupe tout. C'est exactement comme un arbre qu'on abat. Définition internationale du chômage. Extrait de la résolution concernant les statistiques de la main-d'œuvre, de l'emploi et du chômage, adopté par la 8e Conférence internationale des statisticiens du travail. Genève, novembre-décembre 1954. 1. Les personnes en chômage sont toutes les personnes qui ont dépassé un âge spécifié et qui, un jour spécifié ou une semaine spécifiée, rentrent dans les catégories suivantes. A. Travailleurs à même de prendre un emploi et dont le contrat d'emploi a pris fin ou a été temporairement interrompu et qui se trouve sans emploi et en quête de travail rémunéré. B. Personnes à même de travailler, sauf maladie bénigne, durant la période spécifiée et en quête de travail rémunéré, qui n'ont jamais eu d'emploi auparavant ou dont la dernière position dans la profession n'était pas celle de salarié, c'est-à-dire les anciens employeurs, etc., ou qui avaient cessé de travailler. C. Personnes sans emploi, qui sont normalement à même de travailler immédiatement et ont pris leur disposition en vue de commencer à travailler dans un nouvel emploi à une date postérieure à la période spécifiée. D. Personnes mises à pied temporairement ou pour une durée indéfinie, sans rémunération. Collection de l'INSEE, Institut national de statistique et des études économiques. Type de demandeur d'emploi. 1. Population active ayant un emploi et cherchant un autre emploi. Définition du recensement. 2. Population disponible à la recherche d'un emploi, au sens du recensement. 3. Actifs marginaux cherchant un autre emploi. 4. Population marginale disponible à la recherche d'un emploi. Document de l'INSEE. Analyse économique du sous-emploi. Population sans emploi à la recherche d'un emploi. Ce premier ensemble, plus vaste que celui de la population disponible à la recherche d'un emploi, rassemble les personnes qui, ayant spontanément déclaré être sans emploi, indiquent rechercher un emploi. Il comprend les actifs marginaux et les étudiants ou élèves à la condition qu'ils recherchent un emploi. Main-d'œuvre disponible à la recherche d'un emploi. Exclus de l'ensemble précédent, les étudiants ou élèves et les actifs marginaux. Personne disponible à la recherche effective d'un emploi salarié. Exclus de l'ensemble X, les personnes recherchant une situation à leur compte. Il y a beaucoup de jeunes qui se trouvent en chômage, il n'y a qu'à constater dans les rues de Paris, à la recherche d'un emploi quelconque. Ils essaient même d'accepter un boulot pénible de manutentionnaire ou de balayeur même de rue. Le chômage ? Oui. Ah bah oui, c'est bien, c'est le chômage. Le chômage, c'est qu'il n'y en a pas de boulot, quoi. Ah, quand quelqu'un est au chômage, il n'est pas un petit peu mal, mais enfin, il y a le chômage, chômage, qu'est-ce que c'est, chômage, ça, c'est pas bon à manger, quoi. Il y a juste... Et vous, vous avez jamais été au chômage ? Si. Oui, j'étais une fois. Comment ça s'est passé? Ah ben si, j'étais en travail, après à la fin, je dis tiens, ça y est, on était en accident. Je suis tombé dans mon accident de travail, après le bâton est foutu à la porte et puis j'ai acheté ma chômage. Quel est votre métier à vous? Oh, c'est manœuvre. Hein? Ouais. Vous êtes balayeur ici dans ce quartier? Oui. Et alors, quand vous avez perdu votre travail, vous avez mis beaucoup de temps avant d'en trouver un autre? Hein? Vous avez cherché longtemps avant de trouver un autre travail? Ah oui, j'étais cherché. Quand j'étais cherché, je ne trouve pas. J'ai resté en moi. Toujours je courais, je ne trouve pas de boulot. Sans ça, je ne peux pas arriver avec le chômage. Le chômage, qu'est-ce que c'est le chômage? Il donne dans un temps 30 000, 40 000. On n'arrive pas avec cela. Ah. Ça donne encore de moi toujours un petit peu le chômage, quoi. Et tant pas par terre, quoi. Le chômage, moi, je n'aime pas le chômage, tu sais. J'aime bien travailler toujours. J'ai peur d'avoir le chômage, vous savez. Le chômage, je n'arrive pas à voir manger bien, tu sais. Ah oui. Parce que celui qui reste au chômage tout le temps, il n'arrive pas à voir manger bien. Il n'arrive pas à manger? Ah non. Il mange un petit peu de pain, mais c'est pas... C'est pas exact. Et d'après vous, c'est à cause de quoi le chômage? Je sais pas, monsieur Kelly. Je m'appelle où, moi je connais pas ça. D'abord parce que c'est pas l'air, vous savez, mon chef qui arrive. Et c'est, vous croyez que... Ah, on a fait l'index. Hein? Ah ben vous tombez bien, monsieur. C'est pour quel sujet? C'est pour le chômage. Qu'est-ce que vous pensez du chômage? Le chômage, vous savez pas ce que j'en pense? Oui. Il n'y a que de le supprimer et faire travailler tous les jeunes qui sont bons à rien. On payera beaucoup moins d'impôts. Ah bon? Et ça, vous pouvez leur dire, de ma part. Qu'on fasse travailler les jeunes et qu'on supprime l'allocation de chômage devrait être bonne dans un point de vue à partir de 45 ans, parce qu'à 45 ans, on n'est plus bon grand-chose d'après certains. Mmh. Bon, l'allocation chômage est bonne jusque-là, de 45 à la retraite. Mmh. Mais qu'on voit des jeunes au chômage à 30 ans, ça ne devrait pas exister dans un pays qu'on appelle la France. Et c'est dû à quoi, d'après vous? C'est dû à une très mauvaise organisation qu'on appelle la pagaille. Voilà. Ça s'arrête là. Vous pensez que si un jeune perd son travail, c'est de sa faute? Ben, oui, parce qu'il y a eu travail partout. On fait venir de la main d'œuvre étrangère, que malheureusement on exploite. Hein, et puis qu'on garde des jeunes en France, des jeunes français, au chômage, à 25, 30 ans. Ça, ça va de soi. Et vous, vous avez jamais été au chômage? Jamais. Je suis campagnard, je suis sorti de ma Bretagne, du fond de la Bretagne. Je suis venu à l'âge de 30 ans pour travailler à Paris, j'ai toujours travaillé. J'ai fait les halles, j'ai fait travailler la nuit, j'ai toujours travaillé. La personne qui me dit qu'il y a du chômage en France, c'est qu'elle veut bien. Donc il n'y a pas de chômage alors? En France, il ne doit pas y en avoir. Normalement, il ne doit pas y en avoir. D'une très mauvaise organisation, on fait faire du chômage à des jeunes. Et qu'il y a des petits vieux qui ne peuvent pas, qui voudraient travailler, mais on les impose parce qu'on les empêche, ils sont soi-disant trop vieux, ils ne font pas le rendement possible. Mais les jeunes, on leur fait faire des gosses. Ils vont au tiercé, ils vont les jeux et au chômage. Et voilà, c'est tout. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis service du nettoiement. Ouais. Et je suis debout tous les matins à 4h jusqu'à 5h30 du soir, je travaille. Et vous avez... Le chômage en France, dans un pays comme la France, devrait être interdit, je vous dis, pour les jeunes. Hein? Ouais. Et vous, vous n'avez pas peur de perdre votre travail un jour? Ben, si je perds mon travail ici, je le retrouverai à un autre. Un homme, une personne qui est courageuse, et travaille. Vous pensez que c'est facile de trouver un autre travail? Oh là oui, alors là-dessus, écoutez, hein. En France, celui qui ne veut pas travailler, qui ne trouve pas du travail, c'est un feignant. Et lui, il a eu du mal à trouver du travail? Non, il est venu de l'Afrique, il a tout de suite embauché, puis il travaille. Puis croyez-moi que c'est des gens qu'on peut leur donner un coup de chapeau. Parce qu'à certains Français, ils leur font voir ce que c'est que le boulot. C'est quand nous, c'est un éboueur. Quand il faut se cogner les poubelles le matin, ben c'est pas marrant qu'ils tombent de la flotte, de la neige, du verglas, n'importe quoi, il faut les enlever. Là, les gens, ils ne s'occupent pas, là. Et malgré que le service du nettoyage, c'est un service qui est mal connu, on est pris pour des bons à rien et des feignants, ça c'est reconnu de tout le monde, et surtout des poivrots. Vous allez au docteur, c'est ce que vous faites, éboueur, alcoolique, les cracks enlevés. Ah, ils ne se cassent pas la tête là-dedans. Eh oui, ça, vous pouvez y aller, vous pouvez leur dire leur bazar. D'accord. Moi, je dis qu'un jeune qui travaille maintenant, qui est au chômage à 30 ans, c'est un feignant. Encore une chose, si vous voulez bien, tout ce qui est improductif à l'État, ça devrait être la loi de la nature, à éliminer. Vous payez des impôts, moi j'en paye. Et ceux qui sont dans les hôpitaux, qui sont soi-disant fous, quelque chose, qui sont malades à vie, parce qu'on les fait passer pour fous. On paye des impôts pour ces gars-là. Moi, je suis pas d'accord. On produit quand même quelque chose, on produit un contact au vivant des gens qu'on voit, des gens qui vous voient, peut-être que produiront parce qu'ils vous ont vu. On ne chôme jamais. Il n'y a pas de chômage, en fait, le chômage n'existe pas. Le chômage avec un grand C n'existe pas. Il y a le chômage que nous connaissons, c'est-à-dire le personne qui a perdu son emploi bien déterminé, qui se retrouve sans emploi et qui est en chômage. Mais c'est pas le chômage, c'est un autre état, quoi, simplement. Donc, selon vous, on ne chôme jamais? Non, à partir du moment où on ne dort pas, on ne chôme pas. C'est pas possible. Et alors le chômage avec un petit C? Ah, il est plus perturbant. C'est vrai, beaucoup plus perturbant. C'est-à-dire? Celui qui correspond à un état que la société actuelle considère comme un mauvais état, alors automatiquement, celui qui s'y trouve n'est pas bien, se semble rejeté, semble hors-circuit. Mais en fait, c'est ressenti comme ça, c'est tout. D'ailleurs, il y a des caisses de chômage exprès pour éliminer le problème, parce qu'il n'y a pas de problème. Est-ce que vous y pensez, vous, quelquefois, au chômage? Jamais, non, jamais. Jamais. Ne plus savoir. Nouveau début. Attendre. Alors tout bon, donc la secousse de mai 68. Et puis alors après, tout simplement, comme par une coïncidence, un an après, ma mise à pied de la maison d'édition où je travaillais donc depuis un peu plus de 11 ans et qui a eu une très sérieuse... qui s'était fait racheter entre-temps par un consortium de banque et puis ensuite par une autre maison d'édition elle aussi et qui a donc fait des compressions de personnel carabinées et dont j'ai été victime et donc j'ai été mis à pied, je suis devenu un chômeur. Ne plus savoir, nouveau début, attendre, nouvelle perdition, suite possible, solution possible. Vers quelle conclusion? Encore resserré, frénésie. Encore schéma, pierre, encore séquence clamée. Brouhaha des départs, des dérives, des amorces et ce feu qui fuit. Et toujours le narrateur. Ne plus savoir, nouvelle perdition, nouveau début, possible solution, suite possible, conclusion impossible, frénésie, resserrer cet état, resserrer la pierre des schémas antérieurement clamés, répéter les séquences des départs, les brouhades, amorces, la dérive du narrateur, le feu de son attente. Ne plus savoir. Nouvelle solution, non, nouvelle question, nouveau début. Vers quelle conclusion? Et la suite que j'espère mécanique, sans frénésie, ici encore possible, dans l'immobilité de pierre, dans le resserrement des clameurs ou les schémas antérieurs, les cases, départs, séquences, amorces, forment un brouhaha autour du narrateur dans ses dérives, son attente, son feu perdu. 550 000 chômeurs fin 1973, 650 000 fin 1974 dans l'hypothèse la plus favorable, 800 000 dans l'éventualité où le pire arriverait. L'expansion janvier 1974. Ne plus savoir. Première conclusion, nouveau difficile début, vers quelle conclusion finale ou suite possible? Quand l'immobilité de pierre empêche de clamer ou seul Le resserrement et le départ forment des schémas, les possibles amorces à de nouvelles séquences d'un narrateur disant rarement « je » dans le brouhaha de voix attendues qui se font attendre dans une dérive perdue sans feu ni solution. Entretien Georges Pompidou, Jean-Marie Cavada, 20 décembre 1973. Comment envisagez-vous l'avenir de l'emploi, autrement dit, la menace du chômage dans les prochains mois? Monsieur Pompidou. Je ne vous cache pas qu'au travers des difficultés du moment, c'est le grand problème qui me préoccupe pour l'avenir. Il est bien évident que si le ralentissement économique s'installe partout, et en particulier chez les pays qui sont nos principaux clients, nous ne pourrons pas ne pas en subir les conséquences, et que par conséquent se poseront de véritables problèmes d'emploi. Le devoir du gouvernement, c'est d'y penser, c'est de le prévoir, et c'est de s'y préparer. Nous savons que nous aurions les moyens d'une relance de l'activité, au moins sur le plan intérieur. Mais encore faut-il que tout le monde admette que cela supposerait une adaptation, au moins momentanée, à des situations nouvelles et qu'il ne faudrait pas que cela aboutisse simplement à relancer l'inflation. C'est pourquoi je fais appel par avance à tout le monde et j'espère qu'on voudra bien me répondre autrement que par des grèves absurdes et des défilés dérisoires. Nouveau début, nouvelle attente possible, suite perdue, impossible, solution. Resserre davantage. Vers quelle conclusion finale, par quel nouveau schéma frénétique? Et maintenant, quelle séquence frénétique parmi les pierres au brouhaha minuscule? Et quelle dérive à peine sèche l'encre? À peine ce début ou un départ possible? Sans feu, sans amorce, ne même plus savoir qui est ce narrateur. Suite dans l'attente. Dans la possible perdition, je vais resserrer davantage. Sans solution, ni schéma, ni conclusion, à l'aide de séquences frénétiques. Parmi les brouhahas, des pierres à contre-courant, des dérives clamées, le feu des faux départs, je ne sens plus la fin dans ce nouveau début, narrateur inlassable. Le chômeur, c'est le chien qui aboie au dehors de la maison. De temps à autre, on le fait rentrer pour le faire taire, et puis quand on le croit calmé, on le refuse dehors. Interview de chômeur, publiée dans le journal du dimanche, le 26 mars 1972. Ah oui, une fois, je suis parti 4 jours parce que j'en avais marre, quoi. Je suis allé un peu me reposer, mais enfin, c'était pénible, quoi. J'étais dans des circonstances assez difficiles et 4 jours, pas de repos, mais enfin, je me suis un peu retourné sur moi-même. J'ai dit, bon, je vais changer de travail, quoi. Et finalement, c'est ce que j'ai fait, quoi. J'ai changé de boulot et depuis, ça va. Enfin, là, je suis mécanicien maintenant. Sur enfin, automobile, quoi. Bon, mais la bagnole, il y en a partout, alors ça marche. Quoi. Il y a toujours... Tailleur de pierre, c'est un boulot de plus en plus difficile. C'est vraiment... Enfin, je sais que la voiture, c'est pas un truc qui me passionne, mais c'était ça ou le chômage éternel, etc. Alors j'en avais vraiment marre, quoi. Demande d'emploi. 32 ans, 6 ans d'expérience, imagination mais réaliste. Ouvert à toute technique, même élaborée. Sérieuse référence, formation scientifique, maths, physique, chimie. Habitué au contact à haut niveau. Étudierait toute proposition, situation solide, direction, etc. etc. Jeune homme, 26 ans, soudeur P1, arc, auto, forte épaisseur, cherche emploi. Jeune homme, 28 ans, cherche emploi. Pour service matériel, matériel du bâtiment en qualité d'agent administratif ou similaire, dynamique, habitué contact client, bonne connaissance matérielle du bâtiment, écrire... Resserrer davantage. Jeune homme, 26 en oubliant les faux schémas, ils m'ont perdu, gardons les séquences, possibles solutions, gardons leur brouhaha, sans conclusion ni motif. Seule une dérive frénétique m'occupe, vidée de feu, vidée de pierre. Ne plus savoir que clamer, aucun autre m'est possible, puis repartir, enfin partir, sans suite, sans amorce possible, inlassable narrateur. Mon chef de chantier, bâtiment TP, âge 47 ans, cherche à se reconvertir à proximité de son domicile, banlieue nord. Désirerait trouver place surveillance, travaux, entretien, etc. Schéma. attendu des années, puis perdu. Ne sont maintenant que nouvelles séquences. Je vais m'y perdre. Dans leur brouhaha, possible solution à la dérive sans feu ni frénésie. Je ne suis plus la pierre. Nouveau début clamé, possible. Suite possible. Départ possible, amorce. Resserrons, narrateur inlassable. Administration de routage, expédition, groupage, tenue de stock sur Cardex. Dactylo être comptable, premier échelon, travaux secrétariat, 26 ans, cherche emploi à proximité, le Bourget, 2000 par 13. Ne plus savoir, nouveau début, il ne sait plus, voilà, la suite, aucune autre mais possible. Le chômage pour vous, qu'est-ce que c'est, monsieur? Vous êtes en train de manger une délicieuse glace. Ben, je pense que c'est assez désagréable. Et fondamentalement, le chômage, c'est la perte de l'argent qu'on gagne et qui est nécessaire pour pouvoir vivre. C'est-à-dire que être chômeur, ça n'est sûrement pas, contrairement à ce qu'on dit souvent, ni humiliant, ni déshonorant, mais enfin, c'est profondément dramatique dans la mesure où ça vous prive du moyen de vivre. Donc, c'est une espèce de menace qui est quand même très réelle sur le plan concret de la survie, enfin. C'est... Pourtant, il y a une institution qui vous donne de l'argent. De moi. Les assédiques vous donnent de l'argent de moi. Mais... Dans le milieu, au contraire, ça devient... Et après, quoi, il y a le reste du temps. Non, d'ailleurs, c'est pas totalement négatif. Le fait que pendant deux mois, on vous donne une somme d'argent raisonnable fait que vous avez deux mois pour retrouver du travail. Mais tenir l'assistance de la CEDIC ou du chômage, bon, c'est très bien. Ça prouve qu'on est dans un système qui développe les avantages sociaux. Mais de toute manière, ça n'est pas une solution. Ça ne peut être uniquement qu'une étape. Or, il faudrait beaucoup mieux pour trouver du travail que vous ayez de l'argent. Enfin, il faudrait mieux garantir le droit au travail, et réformer le droit de licenciement et développer l'emploi que de donner pendant deux mois, ou même pendant six, des secours, parce que de toute manière, ça ne résout pas le problème. Bon, c'est très bien d'aider pendant un certain temps, de laisser une espèce de répit aux chômeurs pour trouver du travail, mais en aucun cas, ça ne peut être la solution. Est-ce que vous avez déjà été au chômage? Oui. Oui. En droit social, pas trop longtemps, parce que j'appartiens à l'un de ces métiers marginaux où la notion de chômage est toujours floue, étant donné qu'on trouve toujours un peu de travail. C'est-à-dire que, entre parenthèses, sur ce plan-là, le chômage est très mal fait comme conception, parce que si un journaliste se trouve au chômage, il n'est jamais complètement au chômage. Il peut toujours trouver... quelques travaux à faire, donc il perd son droit au chômage, jolie formule, et en même temps, il est quand même chômeur. Là, bon, là, c'est un peu un cas bâtard, mais j'ai été au chômage, au sens du terme, oui. Mais sans pouvoir aller même m'inscrire au chômage, parce qu'effectivement, c'est vrai aussi, pendant ce temps-là, je trouvais de temps en temps, tous les 15 jours ou tous les mois, un travail à faire qui me rapportait un peu d'argent, qui m'excluait du sort de chômeur. Alors qu'en fait, j'y étais vraiment. Bon, c'est un cas particulier, donc c'est moins intéressant. C'est-à-dire, ça vous évitait d'aller faire les démarches qui vous paraissent humiliantes, en fait? Pas du tout. Alors là, je veux dire, moi, ça me paraît pas du tout humiliant d'avoir fait des démarches à faire. Il vaudrait mieux. Elle devrait peut-être être plus simple, mais je pense pas du tout qu'il y a une humiliation à être chômeur, enfin. Si un monsieur est chômeur, c'est de la faute à un patron, c'est de la faute à la société. C'est sûrement pas de la faute aux dix monsieur. Parce que s'il est chômeur dans un métier, c'est qu'il l'a exercé pendant un certain temps. On a trouvé qu'il savait le faire. Et ou bien ce métier a disparu à la suite d'une évolution. Et il n'est pas responsable de l'évolution. Et pour autant qu'on croit à une certaine système social, la société doit aider à prévoir cette évolution. Ou bien c'est lié à la fantaisie d'un patron, auquel cas... la CEDIC n'est pas une aumône qu'on fait, c'est un tout petit rendu par la classe dirigeante des bénéfices qu'elle a pu faire sur le travailleur. Alors ça, vraiment, L'humiliation d'être chômeur ou de faire les démarches m'échappe totalement. Mais on est très habile quand on fait croire que c'est humiliant. Comme ça, on évite que les gens y aillent, ça fait des économies. Non, mais c'est vrai, en plus, je rigole pas. Enfin, je veux dire, c'est monstrueux qu'un ouvrier au chômage puisse se sentir humilié d'être chômeur, enfin, alors qu'il devrait se sentir très en colère, très vindicatif. On a réussi à le convaincre. C'était de sa faute d'une part, c'est quand même très, très, très, très, très joli. L'autre part, qu'il devait avoir honte, ce genre. Ça relève du coup de pied au cul, enfin, de manière très précise. Et vous, monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Ben moi, je suis chômeur. Et je suis inscrit aux ascédiques. Ben, être chômeur, c'est une punition. Faire chômer quelqu'un, le priver de travail, c'est lui nier son importance sociale, c'est-à-dire le priver de son pouvoir d'achat, donc en tant que presque citoyen, il n'existe plus. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'extrêmement empoisonné, d'extrêmement abstrait, qui se concrétise immédiatement, c'est-à-dire qu'on perd tout, statut social, dans la mesure où on y croit. Rôle social, bien évidemment, puisqu'on ne juge les gens que par leur activité professionnelle. Ce qui est assez vain aussi. Et très vite, c'est la dégringolade financière. Donc, effectivement, on en revient à la notion de punition. C'est une punition. Faire chômer quelqu'un, c'est vouloir le punir, le meurtrir, le mettre en pénitence. Évidemment, on arrive ensuite à le culpabiliser. Justement, sur le plan de l'argent, est-ce que depuis que vous êtes au chômage, vous dépensez moins ou au contraire, vous dépensez plus? C'est une très grosse indemnité, ça, c'est pas du jeu, ça. Non, je suis un cas particulier, je suis un chômeur de luxe à 5 000 francs par mois. Mais le processus est le même. Et à 2 ou 3, à 5 ou 6 000 francs près, quand même, c'est les dernières cartouches. Faut faire attention. Effectivement, je me restreins. Et vous êtes au chômage depuis combien de temps? Depuis 15 jours exactement, et ça risque de durer 2-3 mois. J'exerce la même profession marginale que le monsieur qui parlait précédemment. C'est-à-dire que je peux vivoter, travailler au coup par coup, etc. C'est-à-dire que le chômage pour moi est plus redoutable, en ce sens que ce n'est plus la sécurité mensuelle qui est garantie. Je peux trouver du travail au coup par coup, à la petite semaine, à la piche, comme on dit. Auquel cas, ça devient très inconfortable et... Sauf panacée trouvée, le pouvoir d'achat se dégrade. Et on en revient toujours au même point, et c'est ça, c'est ma thèse. Si le pouvoir d'achat se dégrade, l'existence, la représentation sociale de l'individu, son envergure, son importance dans son milieu... ou même tout simplement en tant que consommateur, existe de moins en moins, et on a affaire à un demi-citoyen, ou un tiers de citoyen, ou un quart de citoyen, jusqu'au 16e ou au 25e de citoyen. Il y a des 25e de citoyens au chômage à 500 francs par mois, ou même à moins, sans doute. Est-ce que vous gardez une rancœur contre votre ancien employeur? Terriblement, oui, mais ça fait partie du jeu. Je serre les dents, mais avec l'espoir de foutre mon pied au cul un de ces jours. Ou des grenades, ou je ne sais quoi, mais enfin, ça fait partie du jeu. Si je choisis cette profession, c'est pas parce que le confort, la stabilité m'intéressait au premier chef. Ce qui m'intéresse, c'est de tenir le coup. Le négatif du chômage peut se résoudre à un positif, c'est-à-dire vous faire plus, vous faire changer de situation par rapport à celle que vous aviez. Ça, c'est parfaitement scandaleux comme point de vue. C'est vraiment le chômage comme moyenne pression pour harmoniser les données économiques. C'est, je veux dire, vraiment, ça, s'il y a une chose qui relève, qui justifie la mise à mort de la classe possédante, c'est ce genre d'argument et ce genre de technique. Ça veut dire que ça nie à tout citoyen le droit à son libre choix de son métier, à son libre droit de son expression. Et on considère effectivement, au niveau de ce qu'on appelle les cas traditionnellement, que le chômage est la sanction par laquelle on les oblige à prendre un métier qu'ils ne voulaient pas ou à se plier aux lois de l'économie. Alors ça, moi, je veux bien. Alors là, aux mitrailleuses et aux revolvers. Il faut qu'ils achètent des CRS. Si vraiment ils jouent à ça, il faut qu'ils achètent des CRS. sur un ancien mot. Nouvelle méthode sur sa chambre déjà dite, sa table, ses livres, sa glace grossissante pour rasage, fondue sur le titre d'une chemise indiquant deux dates théoriques de début et de fin, de cela jamais ni début ni fin ni titre. À chaque phrase sans date, à chaque jour suffit sa phrase. Jeune femme, cadre, gestion, recherche, poste acheteuse, préférence, confection, étude toute proposition, même étranger. Urgent. Magasinier, gestion, cherche place. Jeune homme, 20 ans, sérieux, cherche place. Coursier, vide. Mobile. Vie. Se vider, vide, vite. Se faire vider, jeune être vidé, virage, vidange, vie, vice, vibrer, vert, ou l'agitation. Débute, cette fois, par il relie. 5-10, il relie. À ne plus dater vraiment ni de quel septembre, ni autre, ni rien, pourquoi ne pas dire je. D'hiver, jeune femme, septembre, reprenons, ni quelle ville ou quelle femme, tout s'est brouillé, l'attente, l'oubli. On ne respire pas mieux, débute maintenant par maintenant. Et crois partir avec un bon recul, mais perd une nouvelle fois le moi, le pays net et fort, définitivement n'existe plus. Études musicales, cherche emploi édition musicale, jeune homme africain, BEPC, permis VL, stage pupitreur, dos, cherche place opérateur ou autre. Hollandais, 21 ans, parlant couramment français, anglais, allemand, cherche place d'interprète. Simultanément, son univers, chaumant. Jeune homme, 20 ans. Qui se désenclenche chaque jour, lui qui, depuis l'âge de 12 ans environ, a tenté de l'enclaver. Et depuis, avec bien du mal et du renoncement, avec bien des engagements et des matricules pour s'enclore à cette nouvelle matrice. Ici, ce qu'il distingue encore, ce sont, à intervalles irréguliers, et encore toute douloureuse, les mises en chantier quant au nombre exact des stades, mieux vaut ne plus chercher, il vaut mieux ne plus voir. Qu'est-ce qu'ils ont dit tes parents quand t'as été licencié? Ah bah, ma mère, elle a fait des bons en l'air, elle a crié, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu te rends compte, qu'ils vont te dire les voisines et tout? Bon, mais... Opinion, quoi. Ça a été spontané, puis bon... Très rapidement, bon, ça s'est plus ou moins tassé, toi, là. Le chômage est considéré comme un mal en soi, méritant une majuscule. Il faut peut-être beaucoup de témérité ou d'inconscience pour oser déclarer que, dans certains cas, il a représenté un progrès. L'homme privé d'emploi était jadis condamné, faute de ressources, à prendre immédiatement le travail qu'il trouvait, au détriment de son salaire, voire de celui des autres. Parce qu'il lui était impossible d'attendre. Sort identique pour le garçon de 15 ans, même de 13 ou de 12, pressé par ses parents d'apporter un second salaire, si modeste fut-il, ainsi que pour le vieux, le convalescent, etc. Le fait d'avoir classé dans l'enfer ce phénomène complexe, sans jugement ni nuance, est cause de bien des infortunes. Alfred Sauvy, propos dit non conformiste sur le chômage. Jean-Paul, viens voir. Attendez, je vous ai donné un bien. Je me rends compte. Je fais tout juste pour regarder ici, je te le rends. Attendez, je crois que celui-là... Non, mais ça m'est égal. Je veux voir. Allô? Allô? Non, attendez, je vous la passe. Hein. C'est de la part de qui? Ah, ok, qu'est-ce que tu lui veux? Comment? Hein? Quand il est sorti de mon bureau, j'ai éclaté en larmes parce que j'étais très énervée. Et j'ai dit à personne. J'ai eu très très peur de... On est très conditionné par l'environnement. Il y a toujours des rapports de lutte dans une entreprise, même si les rapports sont bons. On a très peur de déchoir d'une espèce d'image. Et c'est sûr que j'y ai pas échappé. et que j'avais pas du tout envie de faire gagner des points aux gens autour de moi. Et c'est idiot, parce que moi, j'ai pas l'habitude de poser les rapports dans ces termes, mais il faut bien dire que les gens posent les rapports dans ces termes et qu'on est bien obligé de les suivre de près ou de loin. Donc, j'ai rien dit, il me semble n'avoir rien dit. C'était à la fin d'une journée, et j'ai rien dit, et puis ça s'est très vite su, parce qu'il fallait réorganiser le poste, etc. Parce que finalement, je n'étais pas mise à la porte pour que quelqu'un soit pris à ma place, mais simplement pour que quelqu'un qui était déjà dans la maison cumule son poste avec le mien. Donc, ça s'est donc assez vite su. Enfin, la personne intéressée a été mise au courant très vite, pour que pendant mon préavis, je puisse l'aider à s'organiser. Et alors après, je l'ai dit à personne. Je pense que ça s'est su comme ça de bouche à oreille, et je comptais bien là-dessus d'ailleurs. Ce genre de choses, c'est très vite. Il est arrivé, vous patientez. Oui, bien sûr. Oui. Voici le porte-métro. Oui. 105, on attend des jeunes porte-pétro, 105 euros, les danses espagnoles. Mais il vous faudrait pourquoi? Ah bon? Oui. J'ai d'abord eu peur de faire un espèce de... Comment on peut appeler ça? Une espèce de complexe d'échec. J'avais très très peur de ça. Et finalement, ça n'a pas du tout été ça. Je me suis aperçue sur un plan même purement physique que je me sentais en quelque sorte un peu soulagée, que je me sentais beaucoup mieux. Et au fur et à mesure que mon préavis s'écoulait, je m'épanouissais de plus en plus. Si bien que le seul changement qu'il y a eu dans mes rapports avec les gens a été un changement de cet ordre-là. Bon, 635, origine. Oui, on ne sortait rien. 635, alors je vois avec Monsieur Ligier. Et puis, on attend qu'on le fasse porter, on doit l'avoir. Oui, d'accord, vous en avez besoin pour ça. C'était formidable comme période parce que j'avais un peu d'argent. Très peu, mais enfin, j'avais un peu d'argent. Alors j'ai pu dormir, j'ai pu lire tous les livres. D'ailleurs, j'ai pas encore réussi à lire tous les livres que j'avais en retard. J'ai pu recommencer à être disponible à mes amis, ce que j'avais pratiquement cessé de faire parce que j'étais très, très, très fatiguée par ce travail qui me prenait 8-9 heures par jour, mais qui me prenait finalement plus que ça, qui prenait mon esprit. Et qui prenait mon énergie vitale. aimerait continuer ainsi en faux début, éternellement sans critique, sans modification, sans avance, sans faux fuyant, continuant ainsi vieillissant, parfaisant cette naissance, parfaisant encore il ne sait plus quel beau début. Jeune homme ivoirien, cherche place aide magasinier ou manutentionnaire. Vieille rue bien crottée, étale, jeune homme si moyenâgeux, poule beau des quais, le tout surpeuplé, et un flic pour chaque habitant, rien à voir avec l'altitude qu'il cherche, mieux vaut sa poussière, et racide à peine la regarder qui monte, et dans les coins, leurs petits moutons, et sur la table, les colonnes, soigneusement découpées de petites annonces, s'empiler, déjà, il se sent mieux. Subir, un petit peu plus, un petit peu plus, puis lentement, tout, dans le sens du plus, dans celui du moins, et pas si lentement que ça d'ailleurs, quelques mois à peine, et des mois à s'en remettre, à faire, à se laisser guider vers un nouveau départ, par une autre dérive. Chiure de défaite, reprendre une des voies qui te retient, serait-ce le jusqu'où, cette attention que tu te portes surtout dans tes glissades, et qui te fait continuer machinalement à le poser nonchalamment sur le fauteuil à languis, entre les moutons, les fleurs séchées et les pinceaux. Serait-ce l'espoir fou qu'un pays de cocagne arrêtera cette enfilade ratée de semaines arrêtées, jour après jour, ratée, petites annonces après petites annonces, coup de téléphone après coup de téléphone, rendez-vous après rendez-vous, employeur éventuel après employeur éventuel, bonne mine dynamique après bonne mine, défaite. Ces nouvelles agences pour l'emploi, c'est une façade. Oui, en un sens, oui. J'ai pas trouvé de distinguo particulier entre le comportement du personnel hospitalier soignant les gens atteints d'une affection vénérienne et le comportement un petit peu gêné, plein de componction. Des gens de l'Agence nationale pour l'emploi qui a le même comportement que des croque-morts ou des infirmiers devant des épidémies. Bien sûr, puisqu'on dit à ces gens de l'Agence pour l'emploi qu'ils rendent service à des malheureux, c'est pas que généreusement la société prend en charge ces tarés ou ces débiles ou ces malchanceux et leur octroie des secours, les aide à se reclasser. Eux-mêmes, je ne dis pas qu'ils sont au fond d'eux-mêmes mal à naître. Bon, je suis sûr qu'un malheureux crétin qui accepte d'être directeur d'un service pour l'emploi est sûrement très généreux dans son point de départ. Il veut vraiment aider, mais il est lui-même intoxiqué par cette espèce de fantastique pression de la société qui fait que le chômeur est coupable. Donc il est puni. Mais le mot de punition me paraît très juste, parce qu'il me paraît plus grave. C'est que quand on vient dire, quand les ministres, les premiers ministres, nous sommes des gens généreux, la preuve, nous faisons quelque chose pour les chômeurs, c'est un peu comme on dit, nous faisons quelque chose pour les tarés. Alors que pas du tout, ils ne font rien pour les chômeurs, puisqu'ils ne leur trouvent pas de travail, et qu'au contraire, ils leur donnent des secours. Ils ne font rien, et ils se donnent bonne conscience avec ça. Pas du tout. Ça me paraît pour le moins évident que ça n'a pas du tout. Le chômage, c'est la punition au sens de la saga enfantine du terme. Vous êtes exclu du jeu. Vous allez au coin, au piquet. L'emploi en France et la législation assurance chômage. Régimes existants. A. Assistance chômage. B. Assurance chômage complémentaire. Législation. Première loi, textes fondamentaux. A. Loi du 11 octobre 1940 et décret du 12 mars 1951. B. Convention du 31 décembre 1958, ordonnance du 7 janvier 1959, ordonnance du 13 juillet 1967. Champ d'application. A. Tous les travailleurs salariés. B. Tous les travailleurs salariés liés par un contrat de travail aux employeurs compris dans le champ d'application du régime. Prestations en cas de chômage total involontaire. A. conditions d'attribution, conditions principales. Petit A et petit B, être à la disposition du bureau de placement. Il se trouve que le bureau du... Comment ça s'appelle d'ailleurs ? Bureau national pour l'emploi. Oui. Il se trouve que celui dont je dépends est neuf dans ses locaux. Donc c'est beaucoup moins déprimant, et ça c'est évident, que si c'était crasseux, vieux, avec un aspect bureaucratique et administratif. Il n'en reste pas moins que c'est bureaucratique et administratif. Il y a quatre ou cinq dames qui sont là et qui sont de parfaites sadiques, qui, alors elles sont fonctionnaires dans l'âme et vous défendent de fumer la cigarette au bec. Et il faut être gentil avec elle, il faut ramper, c'est toute l'administration, ça c'est odieux. Ils ont finalement toute puissance, il faut bien le dire, ils ont toute puissance sur les gens. Il peut rien leur arriver, ils peuvent faire presque n'importe quoi. C'est un peu terrorisant d'ailleurs, mais c'est vrai. Dans ce genre d'administration, ils peuvent très bien refuser, bafouer les gens, etc. Je pense qu'ils peuvent aller assez loin sans que ce soit découvert. Conditions d'attribution. Chômage total. Cumul. A. Assistance. Avec allocation aux vieux travailleurs et pension d'invalidité, pas de cumul. Salaire. Salaire plus allocation ne peuvent dépasser 571 francs 20 à 775 francs 20 par quatorzaine, suivant la situation de famille. Petit B, assurance complémentaire, avec allocation de l'assistance chômage, cumule jusqu'à concurrence de 90%, 95% si personne à charge, du salaire. D'origine contractuelle, le régime d'assurance chômage complémentaire a été étendu pratiquement à l'ensemble des salariés, sauf certaines catégories spéciales, comme les salariés agricoles, les gens de maison, etc. Je suis yougoslave, il y a deux années que je suis en France. Mon intention était de perfectionner la langue, d'apprendre la sténo français, et puis il y a beaucoup de choses à Paris que je peux apprendre dans le domaine de l'art et tout ce qui m'intéresse, puis des pensées, des opinions littéraires, artistiques et tout ça. Je suis venue pour des raisons un peu spirituelles quand même. J'ai pensé qu'il me faut travailler, étant donné que j'ai le diplôme d'un pédagogue, je pensais que je peux trouver facilement la place d'une gouvernante. C'est ce que j'ai fait, j'ai trouvé, mais c'est pas, en réalité, c'est pas ça. J'ai travaillé comme bonne à tout faire dans une famille bourgeoise, c'était dégoûtant. Après, au Vésinet, j'ai trouvé la place de gouvernante dans une famille très cultivée, mais je n'étais pas contente parce que c'était pas ça. J'étais unique personne dans la maison à 3 étages et j'ai fait tout. Et avec des enfants qui ont une éducation américaine, il faut se forcer beaucoup pour résoudre des problèmes avec des enfants. J'ai quitté le travail de gouvernement et pour gagner un peu mieux la vie, j'ai travaillé dans la restauration pendant 10 mois. J'étais contente parce que ce que j'ai gagné, parce qu'il y a aussi la nourriture dans la restauration. Mais après 10 mois de travail, mon directeur m'a dit qu'il est obligé de me renvoyer parce que ma carte de travail n'est pas prolongée. C'est pourquoi je suis venue là. Pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Hier, j'étais à CGT et ils ont me dit que c'est très couramment, que c'est une pression d'empêcher le changement de la profession. Mais moi, je ne comprends pas un patron qui me reçoit et qui me garde 10 mois, comment il avait droit de me garder 10 mois et maintenant il n'a pas droit de... Il ne fait rien pour que ma carte de travail soit prolongée. Il y a quelque chose contre la loi, je ne comprends pas. En tout cas, à CGT, on me dit que je peux me mettre sous leur protection. Je verrai. Pour l'instant, je suis venue là. On présente une carte. La personne préposée sort de son classeur la carte correspondance. Sorte de double. Exactement un double dans son fichier. Elle met un petit tampon sur son double à elle et sur celui dont on dispose. Jusqu'à maintenant, j'ai été employé de bureau. J'ai été, par exemple, pendant 7 ans employé dans un service commercial d'une grande entreprise qui fabriquait de l'aluminium. Et il y a 2 ans, j'ai été licencié à cause de réorganisation officiellement pour compression de personnel. Et depuis ce temps-là, j'ai essayé d'exercer différents emplois entre autres travail intérimaire, et là j'ai fait un travail temporaire de 6 mois. Mais alors, actuellement, il est très très difficile de se recaser, de trouver un travail stable. En fait, il arrive une chose, c'est que la culture générale, si on veut, pour un employeur, elle n'est pas directement monnayable. Ce qui compte, c'est la loi de l'offre et de la demande, et le travail qu'on peut fournir, c'est jamais qu'une valeur commerciale comme une autre. Ils affectent toujours d'être défavorablement impressionnés par le fait qu'on a travaillé, par exemple, que 6 mois dans une place, 8 mois ou 1 an dans une autre. Et alors, ils vous mettent un peu en position d'infériorité. Ils vous disent « mais vous n'êtes pas très stable, monsieur, etc. » Et ils ne tiennent compte nullement des, comment dirais-je, de la conjoncture actuelle et du chômage qui touche à peu près tous les travailleurs actuellement. En moyenne, avant de trouver une place, il faut bien passer par 30 à 40 employeurs différents. On présente une carte. La personne reposée sort de son classeur la carte correspondance. Une sorte de double. Exactement, un double dans son fichier. Elle met un petit tampon sur son double à elle et sur celui dont on dispose. Tu t'y prends mal, là, faut pas t'y prendre d'accord. Comme ça. Hein? Ah bien. D'abord, faut tenir ton outil comme ça. Ah, voilà. Oui. Et avec ton marteau, bien en face de la voilà. Tu pars comme ça. Ah oui, oui. Et t'as bien, il vient d'aplomb. Encore. C'est parfait. Voilà. Un peu plus fort, là. Et voilà, ça va comme ça. Très bien. Hein? Très bien. Tu vois que ça va mieux quand tu t'y prends. Ah oui, ça. Oui, c'est formidable. Voilà. Oui, oui. Il faut bien tenir ton outil, tu vois. Faut pas avoir peur de. Voilà, faut pas avoir peur de l'outil. Là, tu vois, ça va mieux avec ça, comme ça. Hein? Quand je suis rentré dans cette école, on m'avait dit que je pourrais, quand j'aurais fini ma formation, qu'on tâcherait de me trouver du travail. Et une fois que j'ai passé mon CAP, que j'ai eu ma formation, ben, je n'aurais pas réussi à trouver de travail, et ni mon directeur non plus. On passe par un conseil, il m'avait dit on arrivera, une fois, on tâche de vous placer. C'est une école. Et puis une fois que ça a été fini, ben. Les patrons, ils voient qu'on veut apprendre, ils abusent. Parce que quand même, moi je touchais vraiment rien. Hein. S'il faut compter le voyage, je partais de chez moi à 6h du matin pour arriver là-bas à 8h. Je quittais là-bas à 6h30, j'arrivais pas pour 8h. Alors, j'étais chez un patron et que le patron, je faisais 12-13h et que lui il voulait pas me payer mes heures supplémentaires. Alors, il me les payait aux heures normales quand on avait le temps, quand on n'avait pas le temps, on ne les payait pas du tout. Le patron, vous savez, il arrive toujours à vous payer ce qu'il veut sans que vous en aperceviez. Parce que là, il y avait quand même. On était payé à l'heure. Alors moi, je faisais des heures, il me comptait les heures, ceci, cela, puis après, il me disait ceci, cela. Enfin, on comprenait rien, je comprenais rien. que vous faites confiance à l'Agence nationale de l'emploi ? Bah, c'est que je trouve ça un peu... Comment je pourrais vous dire ? Moi, je trouve ça un peu... Ça me... Je sais pas, si j'ai confiance, c'est pas ça, mais c'est que... Je trouve pas ça... J'avais essayé de faire... J'avais essayé de faire carrière dans l'armée. Je m'étais déjà renseigné là, dernièrement. J'avais essayé de faire carrière dans l'armée. Et puis, alors, il fallait... Il y avait des règlements. Enfin, j'aurais pu le faire, mais c'est que... Quand même... Ce matin, je me suis levé, il était 6 heures. Parce que pour avoir François, il faut aller devant chez François, sans être obligé d'attendre 11 heures pour les avoir dans les librairies. À ce tarif-là, vous arrivez à 11 heures, toutes les places sont prises. Vous pouvez rester comme ça 6 mois sans travail. Alors je me suis levé ce matin à 6 heures. J'ai eu François, je n'ai pas trouvé. Enfin, j'avais trouvé une place. J'ai téléphoné, elle était déjà prise. Une autre que j'ai téléphoné aussi, et puis là, que ça ne devait vraiment pas là. Et puis, cet après-midi, je suis venu à l'Agence sociale pour l'emploi, ici. Et maintenant, je suppose que... Enfin, j'achète le François du soir pour voir dès le lendemain matin si jamais je peux trouver quelque chose. On présente une carte. La personne préposée sort de son classeur la carte correspondance. Sorte de double. Exactement un double dans son fichier. Elle met un petit tampon sur son double à elle et sur celui dont on dispose. Je me suis présenté directement à l'entreprise Sydney, qui m'a accepté comme cariste. Et en fin de compte, je me suis trouvé comme magasinier. Je suis resté 13 mois, mais j'étais pas tellement content. C'est plutôt une question d'ambiance avec les chefs d'équipe. J'ai vu que ça n'allait pas, j'ai quitté le travail. Et j'ai cherché dans un emploi intérimaire que j'ai travaillé pendant... 3 mois et demi à peu près, et par la suite j'ai trouvé l'emploi où je suis resté 2 ans et demi jusqu'à maintenant. Et j'ai été licencié par compression de personnel. Pour une période de 3 mois environ, j'ai été chez moi passer les vacances. Une fois revenu, je me suis présenté, il me dit que le chantier n'a pas encore repris et que je pourrais être appelé dès que ça reprendra. On présente une carte. La personne préposée sort de son classeur la carte correspondance. Sorte de double. Exactement un double dans son fichier. Elle met un petit tampon sur son double à elle et sur celui dont on dispose. Thank you. suis venu en France au mois de décembre. Je suis venu pour faire une formation professionnelle. J'ai passé mon CAP, j'avais reçu mon CAP. Et après le CAP, j'ai pas trouvé de travail au Mans. Alors je suis venu à Paris, j'ai trouvé du travail à Paris chez Chancé du Franc-Pont dès le premier jour. C'était au 28 décembre 70. Et 28, qu'est-ce que je raconte quand on arrive, 28 décembre 70, c'est ça, oui, c'est ça. Et tandis que je faisais avant des charpentes métalliques, je faisais, enfin, se dire à l'arc, l'éthogène, tout oui. ça. Mais après, je me suis aperçu, si je reçois un coup de... Enfin, sur la tête, un accident, quelque chose comme ça, je ne me suis pas assuré ou se dur ou quelque chose comme ça. Alors j'ai demandé que je peux m'arrêter ou je fais que charpente en bois. Bon, ils m'ont dit, bon d'accord, vous pouvez continuer votre travail, si sinon on ne peut pas vous garder. Alors j'ai arrêté mon travail chez eux et j'ai fait mon demande en même temps pour le renouvellement de ma carte de travail. J'ai eu ma carte de travail comme soudeur et maintenant ça fait presque 3 mois, je cherche d'emploi. Aujourd'hui, je cherche. J'ai fait presque 4-5 coups de fil. Rien, aucune réponse. Toutes les réponses, c'est des téléphones, par exemple, qui répondent automatiques, c'est tout. Jamais qu'on a des réponses, par exemple, comme il faut. Et moi, j'aime pas tellement le chômage. J'aime pas tellement. J'aime pas du tout, c'est pas tellement. Et ça se fait 5 mois, je me suis pas du tout inscrit au chômage. Peut-être c'est pas raisonnable du tout. J'aime pas du tout. J'aime bien, par exemple... vivre pendant un mois comme je suis vie, par exemple 5 mois comme ça, enfin je me suis pas trouvé sans argent, j'ai toujours l'argent, enfin je dépense pas tellement, je fume pas, je bois pas, je bois rien, alors j'ai jamais besoin d'argent, je paye le loyer et c'est ça ce qui est bien, je suis avec une personne, enfin on est ensemble, c'est lui qui paye pour le moment, mais après on va s'arranger. Alors ça c'est pas une grande chose, mais c'est qu'il ce qui n'est pas bien, par exemple, de ne pas travailler, tout ça, je trouve, pour moi personnellement, ça me fatigue. Et pendant presque 5 mois, j'ai maigri même presque 5 kilos. Enfin, c'est quelque chose de très grave. Enfin, je fais de soucis, je pense jamais que je reste tranquille, jamais, c'est impossible. C'est impossible. Je pense tout le temps, je fais de soucis. Bon, ça va si je ne travaille plus, parce que premièrement, je suis un étranger. Deuxièmement, je suis jeune, il faut que je travaille. Si je ne travaille pas à l'âge de 22 ans comme ça... quand est-ce que je serai vieux, je ne peux plus rien faire. Enfin, ce n'est pas logique, ça serait pas... On présente une carte. La personne préposée sort de son classeur la carte correspondance. Une sorte de double. Exactement, un double dans son fichier. Elle met un petit tampon sur son double à elle et sur celui dont on dispose. Thank you. Je me suis fait licencier il y a environ 5 mois pour deux raisons, absence motivée et retard sur le travail. Parce que j'avais manqué plusieurs jours, très souvent, soit je me réveillais pas le matin à 5h et que j'arrivais à 11h, ou soit j'en avais marre d'aller travailler, de retrouver toute l'ambiance de l'usine avec le chef qui m'embêtait, les cadences, la production, tout ça. Et en plus, quand j'étais au travail, j'arrivais pas à tenir les cadences, c'est-à-dire il fallait qu'il fasse 100 pièces, dans les journées j'en faisais 80. Et c'est les deux raisons pour lesquelles ils m'ont licencié. Et maintenant, je suis au chômage. Tu étais dans une usine, à quelle usine ? J'étais dans une usine d'aviation. J'étais fraiseur P2. D'ailleurs, je faisais de la petite série. Les expériences que j'ai eues, c'est principalement le bureau de chômage qui m'a procuré deux places. Et j'y étais, à la place qu'il m'avait proposée, c'est une place de fraiseur P2. Mais arrivé au bureau de l'embauche, le gars, quand il m'a vu, il a commencé à faire les gros yeux, parce que j'avais les cheveux longs et puis j'avais un habillement qui n'était pas très conforme à ce qu'ils attendent vraiment d'un travailleur. Et puis en plus, mon âge, ça les rend assez sceptiques. Et la raison qu'ils ont refusé de m'embaucher, c'est que j'ai été licencié. Ça, ils n'aiment pas du tout un gars qui a un niveau de chômage qui est licencié, parce qu'ils se demandent toujours qu'est-ce qu'il a fait avant, celui-là. Ça ne leur plaît pas tellement. Il y a beaucoup de choses qui m'ont pas plu dans le bureau de chômage. Premièrement, c'est un peu le racisme qui règne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travailleurs qui sont immigrés et qui ont des problèmes avec la langue française et qui ont du mal à remplir les papiers et à comprendre ce qu'il faut pour avoir droit au chômage. Et les employés... ils envoient chercher un papier, alors le gars il revient, il manque un autre papier, et après un troisième et ainsi de suite. C'est-à-dire que le gars il est dégoûté de s'inscrire au chômage. Moi par exemple, le jour où j'étais m'inscrire, j'ai rempli deux feuilles à deux immigrés. Puis une autre fois, il y a un truc qui ne m'avait pas plu tellement, c'est qu'il y a un employé qui m'a dit ça fait 5 mois d'être au chômage, et vous êtes français ? Ah, j'ai fait oui, je suis français. Et en plus, je suis travailleur. Elle m'a dit oui, mais vous rendez compte, je vais m'occuper personnellement de votre cas, vous avez un bon métier, fraiseur, c'est plein il y a plein de possibilités. Alors, je vais m'occuper de votre cas. Est-ce que tu es prêt à prendre n'importe quel type de travail ? Ah non, pas du tout, non. Non. Si je prends un travail, c'est un travail exactement ça que je faisais avant. Parce que ce qu'il faut, je recommence à zéro, c'est-à-dire de commencer au S2, après P1, après P2. Il va me falloir 2 ans encore. J'ai passé 2 ans comme ça. Maintenant, si j'ai un travail, il me faut que ce soit exactement le même qu'avant. Il faut dire que moi, il y a beaucoup de gens dans mon bâtiment qui se retournent devant moi, qui se disent « Tiens, celui-là, c'est un feignant, il ne travaille pas, qu'est-ce qu'il fait ?» Ils se posent des questions... moi, je m'en fous. Mais il y a d'autres personnes que... Si tu cherches du travail, c'est pour avoir de l'argent. De l'argent pour vivre, parce que... Il en faut, tu vois. Mais travailler pour plaisir, non, pas du tout. De toute façon, je pense pas qu'il y a des gens qui peuvent travailler pour plaisir. Je vais chercher ma lessive. Ce qui me plaît dans le chômage, c'est qu'on a une vie différente. On a une vie plus libre. Avant... Il fallait courir à 5h du matin, se lever, prendre son petit déjeuner rapidement. On n'avait pas le temps d'écouter les informations parce que le matin à 5h, c'est le curé qui parle sur France, sur Luxembourg, je crois. Donc c'est très peu intéressant. On a une vie très dingue, mouvementée. On a le temps de rien faire, c'est-à-dire qu'on sort du travail. On est tellement fatigué qu'on n'a pas envie de lire. On est fatigué qu'on n'a pas envie de prendre le journal, de voir un peu les nouvelles, savoir ce qui se passe dans le monde. Et que les 3/4 du temps, quand on rentre chez soi, on n'a pas envie de sortir pour aller au cinéma ou pour aller au café, voir des copains. Parce que c'est qu'on se couche trop tard le soir, on ne se réveille pas le lendemain matin. Avec étant chômeur, cette ville-là... autre monde. Aujourd'hui, petites annonces après petites annonces, coup de téléphone après coup de téléphone, rendez-vous après rendez-vous, employeur après employeur. Autre monde. Il observe, peu à peu et de mieux en mieux, bureau après bureau, mine accédante après mine condescendante, assurance donnée après promesse non tenue. Ce monde, qui peu à peu, et de mieux en mieux, qui branche après branche, lui semble contrefait, lui semble postiche, et à jamais altéré. Et cela d'une manière telle que les explosions qu'il provoque après chaque coup de téléphone stérile, après chaque rendez-vous vain, après chaque employeur éventuel sans parole, font éclater toute la branche en l'air, avec téléphone, rendez-vous, employeur, bureau, bibliothèque spécialisée, comité d'entreprise, auto de service, résidence secondaire. Et qu'il trouve ensuite tout bourdonnant dans le tronc entier sous ses peaux et ses moutons, dans une bouffée soudaine, ses images revues. Quel silence, déjà il se sent mieux. Là, confondant chômage et l'autre interruption comme si quelque chose d'un peu copieux dans le ventre, ou de quoi payer un verre à Samy ou ne pas se faire arracher les dents parce qu'immatriculé à la sécurité sociale accélérerait son besoin d'explication par le mot. Des brefs flashs de veille, comme il l'avait toujours fait aujourd'hui, ne déformant plus ses poches, terrassées, bloquées, dans cette dépression intérieure où se perdent les rivières. Ce shot. Simultanément, le côté contraignant de la misère n'a rien donné. Ce chômage n'a fait qu'un peu plus asservir ce qu'il voulait éclairer. Les nouveaux vides ont surmultiplié les sensations stériles de péril. Ainsi, confondant les deux ouvertures, ou démarrage, ou début, chaque petite annonce sans réponse devient la première phrase vite aspirée vers le vide d'où elle tente de s'échapper. Ou confondant non plus les deux ouvertures, mais prémisse et termes de cela jamais ni début ni fin, que le même malaise, les mêmes explosions, les mêmes glissades dans ces nouveaux chantiers médiocres. Est-ce que vous pouvez, par exemple, là, imaginer que demain, vous êtes au chômage? Qu'est-ce que vous allez faire? Ah, je vais me renseigner d'abord sur toutes les formalités administratives qu'il faut faire pour toucher l'allocation chômage. Je n'en sais rien absolument, en fait, j'ai aucune idée sur les formalités qu'il faut faire, mais qu'il faut accomplir. Mais je me renseigne auprès, je ne sais pas, d'une assistante sociale de la boîte où je travaille ou quelque chose comme ça, et elle me donne ses renseignements et je m'inscris au chômage. Et puis voilà, puis je toucherai mon fric. C'est tout. Pour vous, le chômage, c'est toucher une indemnité, alors? Ben, c'est normal, enfin. On exploite ma force de travail et puis on ne veut plus de moi. Il est normal qu'on me donne un petit peu d'argent pour m'empêcher de tout casser. Voilà. Vous pensez que c'est fait pour ça? En partie, oui. Enfin, ça a un côté social. C'est une des victoires des travailleurs, cette allocation chômage. Mais ça a quand même un côté de récupération assez manifeste. Je veux dire, on me prive de ma révolte en me payant pour ne rien faire. Justement, vous pensez que être payé pour ne rien faire incite à ne rien faire? Non, c'est pas ce que je veux dire, ça n'incite pas à ne rien faire. Enfin, je suppose, j'ai entendu dire que ça arrivait, qu'il y avait des gens qui étaient au chômage un certain temps, qui refusaient différents emplois qu'on leur proposait, qui allaient travailler un, deux jours, puis qui ne faisaient plus rien, disaient que ça ne leur convenait pas, et comme ça, je crois qu'on peut rester au chômage un certain temps. Pour moi, ça représente beaucoup d'énergie à dépenser de faire ça, donc ça ne m'intéresse pas. Non, c'est pas ça le problème, je veux dire qu'un type qui ne peut pas travailler se rend compte qu'il ne peut pas vivre. Il se rend compte que tous les emplois sont stupides, et dans cette mesure, il en arrive à une vision plus juste de cette société capitaliste, et il se révolte de façon fondamentale par la délinquance ou par notre procédé. Enfin, il se politise forcément, parce que la délinquance peut être et toujours un acte politique. Et d'ailleurs, Les gens qui précisément continuent à être au chômage deviennent donc des parasites de la société, enfin qui perpétuent leur état de chômage, font un acte politique, peut-être pas tellement conscient, mais enfin, je crois que l'allocation soit au chômage, et tiens, c'est un petit peu paradoxal ce que je vous dis, enfin peu importe. Oui, c'est quand même une façon de récupérer, d'empêcher les gens de faire des choses extrêmes, on leur fait faire des actes de parasites pour leur éviter de commettre des actes qui les fassent entrer dans l'illégalité et qui risquent de perturber l'ordre social. Montant, plafond, 6120 francs par mois. Taux. Petit A, forfait 7,55 francs par jour. Pendant les trois premiers mois, 8,30 francs. Petit B, 35% du salaire de référence. Majoration de 15% au cours des trois premiers mois. Minimum 9,74 francs par jour, pendant les trois premiers mois, 11,20 francs. Suppléments familiaux. Rien. Allocation familiale, oui. Personnellement, je suis contre. Je suis contre parce qu'il y a trop de profits avec le chômage. Il y a des gens qu'on entretient et qui vivent que du chômage. Je citerai pas de nom, mais enfin, je connais personnellement des types qui ont à l'heure actuelle entre 40 et 50 ans. Il y en a une bonne dizaine dans le quartier. Voilà. Et finalement, quand tu regardes ces gars-là, que tu épluches leur cas, et ben, c'est des gars qui travaillent un mois par an. Et qui vivent que du chômage à droite ou de la sécurité sociale, à droite à gauche. Oui, tout à l'heure, tu disais, il y a des sortes de chômeurs. Bon, ça c'est vrai, il y a les chômeurs qui cherchent du travail en espérant pas en trouver, et ceux qui sont au chômage forcé. Mais je pense que la première catégorie, c'est vraiment une petite minorité. Et je l'ai vu au bureau où j'ai pointé, la grosse masse des gars qui sont là, et ben c'est des chômeurs qui sont forcés, c'est-à-dire que soit que la boîte a fermé ou soit qu'on les a licenciés, mais que c'est des gars quand même qui cherchent le travail et qui espèrent en trouver rapidement. Et que bon, des gars comme moi, qui profitent un peu du chômage pendant quelques mois, c'est vraiment une minorité. Et en plus, il faut être jeune, il ne faut pas avoir des enfants, il ne faut pas avoir une femme, une voiture. Et tout le monde ne peut pas le faire. Et puis il y a aussi un problème chez les jeunes chômeurs, c'est qu'il y a beaucoup de feignants. Hein, énormément, et je pense faire partie de cette catégorie. Et je sais que nous sommes beaucoup, et si nous faisions un mouvement, nous aurions beaucoup d'adhérents. Et voilà. tout le monde. C'est pas une majorité, c'est tout le monde. On est tous feignants. Mais on est plus ou moins courageux, plus ou moins maso. Et les gens, ils vont travailler parce qu'ils se disent obligés de travailler pour pouvoir survivre. Il y en a qui arrivent à vivre, je sais pas comment, mais enfin, il y en a qui, la plus majorité, c'est les gens qui survivent. Et pour survivre, ils sont obligés d'aller travailler un peu. Mais c'est pas. C'est juste un petit peu de courage qu'ils ont, c'est tout. Mais je crois que tout le monde est feignant dans la base. Ouais. À la base, tout le monde est feignant. On n'a vraiment pas envie de travailler. Même le gars qui travaille, ça fait 20 ans, il dit sans arrêt, moi, j'aime pas le travail. Moi, je pense que c'est faux de dire feignant. Moi, je pense que c'est plutôt un refus du travail qu'on nous donne. Et que c'est ça qui fait qu'on ne veut pas y retourner. Par exemple, retrouver la machine avec lui, le petit chef derrière nous, les cadences et 2 heures de transport par jour. C'est vraiment ça qu'on refuse. Les conditions de travail. Toutes les conditions de travail. Par exemple, le mois prochain, je vais partir avec un copain réparer sa une toiture dans une baraque qui est à la campagne. Bon, là, ce sera un travail qui ne sera pas rémunéré. Mais je vais y aller parce que c'est un truc qui me plaît. Ça sera la campagne, il y a l'air pur. On travaillera tout doucement, sans se presser. On n'aura pas quelqu'un derrière nous qui nous embêtera. Et ça sera un travail utile, c'est-à-dire il y aura une signification au travail qu'on va faire. Et que je pense que le mot feignant, c'est vraiment un truc qui n'existe pas comme ça. Qu'on ne peut pas dire un tel est feignant. C'est parce qu'il refuse les conditions qu'on lui donne qu'il est feignant. Je me permets de contredire. Moi, en prenant mon cas personnel, je ne refuse rien du tout. La seule chose que je refuse d'aller travailler, je le refuse par feignantise. Et je suis tout à fait conscient de ce que je dis. Et je connais pas mal de gens qui sont dans mon cas. Ouais, je crois que, à partir de tout ce qu'on nous propose comme travail, on devient feignant. Et celle-là, elle ira pas un peu. Martin, ne bouge pas, Martin, hein, parce que n'aie pas peur. Depuis qu'elle est au chômage, hein, tu peux attendre encore pour qu'elle revienne au travail. Hein. Alors, nous, où en sommes-nous? Ah, tu vois, il y en a deux. Eh ben, t'as mieux pour vous. Et voilà, on fait comme les vieux maintenant. On vient tout doucement à la baisse. T'es le maître que de Saint-Lazare. Vous avez affaire à un fort là. C'est un des plus forts de l'Oule, ça. Il n'y a que lui, personne ne veut jouer avec lui. Il faut qu'il trouve un peu des cabestons là pour jouer à ton man. Oui, oui. Ah, mais vous prenez le truc là. C'est rien que des gens parachutés, ils parlent comme nous. Lui là, c'est un lyonnais, voyez, c'est là qui va tirer là-bas. Eh bien, il parle comme nous maintenant, hein, avec les mains et un peu. Il a la crampe. Et voilà, encore un Harry. Et il est beau, hein. Et encore un deuxième. La bonne mère, ouais, il tient pas à béni de boule. Ouais. Ah, très bien. Ah, il a touché. Hein. Là, vous allez l'endormir. Ah, hein. Non, là, vous allez l'endormir. Non. Il faut m'émotionner un peu. Ah oui, là, vous y allez. Là. Oui. Ici, on joue à boule arrêtée. Hein. Tu vois l'aiguille morte. Ah, ben, 40. Et pas enlever deux. Il a cassé le poids, là. Il est plus en 40. Et vous voyez, messieurs, il n'y a que deux boules sur le jeu. C'est moi qui suis à côté du bouchon. Oh, tu comptes, Martin. 7. 7 à 1. Parce que tu sais, lui là-bas, eh bien, il a l'habitude de compter un peu avec les chenilles. Hein. Anciennes et continues destructions passées au crible mou, parfois, de nouvelles réalités mais sans vie. Une recherche piétinée chaque jour, agissant comme un sédatif sur le système nerveux central, une attente de bêtes nourries d'anciens et de morts poursuivis. Avec ça, tu pas fauché. Passage au crible mou de nouvelles réalités mortes. Une recherche s'élimant elle-même dans une somnolence voulue. L'attente ne sera jamais atteinte. Rien arrive. Ni l'attente abrutie désengagée des destructions anciennes et continues. Parfois, de nouvelles réalités inattendues qui font défaillir la vieille recherche dans un battement accéléré d'horloge. Sixième catégorie. Combien? Un million. Pour pas aux malheureux. Émail. Oh là là. Ils vont tout le casser sur le boulot là. Allez, gros mauvais. Ça fera qu'un trou de plus. Ah, voilà. Et blanc. C'est bien ça. Ah, une sur six, c'est pas mauvais. 1974 sera l'année de l'emploi, pour ne pas dire du chômage. Simon Laurière, député à l'Assemblée nationale le 10 octobre 1973. Aïe, aïe, aïe. Voilà, voilà. Ah! Ah, mais Marcel, il va y frapper à celle-là. Là. Voilà. Fragment d'un questionnaire établi par entreprise à l'intention des hommes politiques et des industriels. Allez, caca. Question 8. La situation de l'emploi est-elle sérieuse? Question 9. Sommes-nous dans une situation de type pré-1968? Eh bien, ça y est, c'est la plus belle. Il y en a trois. Eh oh, je ne voulais pas le bouchon comme tout à l'heure. Eh bien, ça va avoir quatre. Eh bien. Il y en a quatre. Alors, il n'y a pas le cinquième. Sommes-nous dans une situation de type pré-1968? Il y a un kilomètre. Sommes-nous dans une situation de type pré-1968? Non, mais j'ai fait erreur. Quatre. Tu vois qu'elle est à moi. Sommes-nous dans une situation de type pré-1968? Sommes-nous dans une situation de type pré-1968? Sommes-nous dans une situation de type pré-1968? ORTF, Atelier de création radiophonique. Atelier de création radiophonique, Temps mort. Par Jacques Pierramette, René Farabet, Andrew Orr, Alain Soto. Assisté de Anne-Marie Abou, Albert Morin, Viviane Vandenbroek. Avec Elena Manson, Pierre Santini, Soisic. Collaboration technique, Monique Burguière, Marcel Grenier. Chômage, travail. Employé de bureau, apprenti, cariste, magasinier, soudeur à l'arc, gouvernante, serveuse,